Camille Saint-Saëns. Poème tiré du recueil Rimes familières. Les strophes. La libellule. Près de l'étang, sur la prêle, vole, agaçant le désir, la libellule au corps frêle qu'on voudrait enfin saisir. Est-ce une chimère, un rêve que traverse un rayon d'or? Tout à coup, elle fait trêve à son lumineux essor. Elle part, elle se pose, apparaît dans un éclair, et fuit, dédaignant la rose pour le lotus froid et clair. À la fois puissante et libre, sœur du vent, fille du ciel, son aile frissonne et vibre comme le luth d'Ariel. Fugitive, transparente, faite d'azur et de nuit, elle semble une âme errante sur l'eau qui dans l'ombre luit. Radieuse, elle se joue sur les lotus entr'ouverts, comme un baiser sur la joue de la naïade aux yeux verts. Que cherche-t-elle? Une proie. Sa devise est « cruauté ». Le carnage met en joie son implacable beauté. Mea culpa. Mea culpa, je m'accuse de n'être point décadent, dont les fruits trop verts ma muse n'ose pas mettre la dent. Les gambades périlleuses ne sont pas de mon ressort, ces gaietés sont dangereuses pour qui n'est pas assez fort. La témérité m'enchante chez les jeunes imprudents, mais tranquillement je chante, laissant passer les ardents. Ils vont, rompant tous les câbles, franchissant tous les fossés, truffant d'étranges vocables les hémistiches cassées, et composent des salades de couleurs avec des sons, à faire tomber malades les strophes et les chansons. Du diable si je m'y frotte, tout ça n'est pas pour mon nez, on m'enverrait à la hotte avec les journaux mort-nés. Je deviendrais vite à faune si j'allais en étourdi, m'égosiller comme un faune fêtant son après-midi. Laissons tous ces jeux d'adresse à l'érudit, au savant. Ce qui siérait à l'altesse ne vaut rien pour le manant. Modestie à Monsieur René de Récy. Plus d'un croit à sa victoire n'étant pas très érudit. À qui connaît mieux l'histoire, tout orgueil est interdit. Tu pensais, triste éphémère, atteindre au comble de l'art. Poète, regarde Homère, ou musicien, Mozart. À tous ces géants énormes que nous montre le passé, compare tes maigres formes, ô lutteurs bientôt lassés. Des forces de la nature, ils ont la fécondité. Ils ont la haute stature, la surhumaine beauté de ces montagnes sublimes, qui, sans effort à nos yeux, montre des fleurs, des abîmes, et la neige dans les cieux. Si nous écrivons trois lignes, l'univers, tout étonné, est averti par des signes qu'un chef-d'œuvre en nous est né. Étourdi par le tapage, l'univers est en arrêt. Le temps souffle sur la page, le chef-d'œuvre disparaît. On encense des idoles avec les genoux pliés, ceux dont on boit les paroles demain seront oubliés. Ne va pas, toi qui m'écoutes en prenant des airs narquois, t'aventurer dans les joutes avec les grands d'autrefois. Tu te verrais, pauvre athlète, aussi faible qu'un enfant qui prendrait une arbalète pour combattre un éléphant. Ne soyons pas trop débonnaires. Ne soyons pas trop débonnaires. Aimer quand même est lâcheté. Pour les méchants restons sévères, gardons au bon notre bonté. Pardonner, dit-on, c'est facile, et doux même au cœur bien placé. L'âpre vengeance est inutile, le mépris venge assez bien. Mais prodiguer à tous les traîtres le trésor de son amitié, jeter son or par les fenêtres à des assassins sans pitié, devant eux ôter sa cuirasse, presser sur un sein désarmé ceux dont on peut suivre la trace à tout le mal qu'ils ont semé. Ce n'est pas seulement faiblesse, c'est une mauvaise action. De quoi paiera-t-on la tendresse, la fidèle dévotion de l'ami vrai, Si l'hypocrite, dont le sourire est plein de fiel, comme celui qui la mérite, reçoit l'amitié, don du ciel. Pour le titan, point de clémence, il est précipité des cieux. Le dragon périt sous la lance de l'archange victorieux. Ayons plus de miséricorde, mais pas d'attendrissement vain. Au méchant, le sage n'accorde qu'un entier et parfait dédain. Les heures. Toutes nous blessent, la dernière nous tue, ayant enfin pitié quand elle achève, sans colère, l'œuvre faite plus d'à moitié. Les autres, même la plus douce, hélas, nous usent lentement, et chacune d'elles nous pousse vers le funèbre moment. Funèbre? Non. Quelle caresse vaut le soleil sans lendemain? Vienne l'heure, pâle maîtresse qu'on espère jamais en vain. Elle viendra, consolatrice, tarir la source des remords. Nulle passion tentatrice ne trouble le repos des morts. Adam et Ève. Eritis sicut dii. Première partie. L'ivresse est envolée et l'espérance est morte. Ils ont goûté le fruit de l'arbre défendu. Jamais l'ange, pour eux, ne rouvrira la porte du paradis perdu. Depuis que du bonheur ils ont touché la cime, soumis au châtiment, résignés à souffrir, ils ne regrettent rien, ni l'exil, ni le crime, ni l'horreur de mourir. La faim, la soif, n'ont rien dont le cœur se désole, ni le soleil de feu, ni le désert géant. Qu'importe, ils ont l'amour. De tout il les console, et le reste est néant. Car l'amour, engendrant volupté et torture, n'était pas dans l'Éden aux vertus condamnées. Il fallait, pour qu'il fût connu des créatures, que le crime fût né. C'est sur le désespoir que fleurit l'espérance. Pour que le rut devînt l'amour prodigieux, il fallait aux humains le remords, la souffrance, et les pleurs dans les yeux. Sicut dii, ce mot du tentateur suprême, était-ce donc vrai? Le mal nous a divinisés. L'homme innocent jamais n'eût connu par lui-même tout le prix des baisers. Il change notre bouche en exquise blessure, par où coule à longs traits le sang des cœurs maudits, nous rendant chaque jour mortelle nourriture, le fruit du paradis. Deuxième partie. Tu savais bien, Yahvé, quand sa chair frémissante, l'homme, prompt à bénir et prompt à blasphémer, cache une âme qui brûle à vouloir impuissante et faite pour aimer. Tu mets près de la lèvre un fruit qui la désire. Tu dis, c'est le plaisir, n'y touchez pas. Pourquoi? Sous notre pied glissant, l'abîme nous attire. Qui l'a creusé? C'est toi? Sentant de ton pouvoir s'ébranler l'édifice, ah, Dieu cruel! Enfin, pour racheter le mal, tu donneras ton fils, offert en sacrifice comme un vil animal. Trop tard. Le blé se sèche et livré est fertile. Trop tard. Le mal a fait son œuvre pour toujours. Ton fils, sur un gibet, souffre et meurt inutile. Et l'homme, plein de jours, dédaignant tes édènes, méprisant tes supplices, laissant aux chérubins ta céleste Sion, bravant la mort, l'enfer, se plonge avec délice dans la damnation. Sicut dii, non, non, le tentateur des âmes n'a pas dit vrai, car l'homme est plus grand que les dieux, qui, n'ayant pas brûlé des diaboliques flammes, se contente des cieux. L'homme règne en vainqueur sur la terre sublime. Il vit. Les dieux sont morts ou se taisent, lassés. Son front touche le ciel, son pied fouille l'abîme. Lui seul, et c'est assez.